troupeaux deviennent trop nombreux. Les terres ne suffisent plus aux deux. Les bergers se heurtent sous la poussière et la paix est mise en jeu entre eux. Abraham regarde l'hôte avec sagesse et lui laisse choisir le chemin. Il préfère perdre un avantage que de gagner au prix d'un lien. La paix vaut plus que les meilleurs pâturages. Apprends-nous à choisir la paix, même quand l'autre prend la meilleure part. Car tu es le Dieu de la promesse qui pourvoit bien au-delà du regard. Apprends-nous à choisir la paix, à ne pas lutter pour la première place. Car ce que tu donnes par ta main n'est jamais volé à l'autre face. Choisis la plaine fertile, les villes brillent au loin sous ses pas. Mais tu rappelles Abraham resté que la promesse est toujours là. Tu lui montres la largeur de la terre, nord au sud, est en ouest. Tu dis tout cela est à toi. Même quand ses mains sont vides et modestes, apprends-nous à choisir la paix, même quand l'autre prend la meilleure part. Car tu es le Dieu de la promesse, vois bien au-delà du regard. Apprends-nous à choisir la paix, à ne pas lutter pour la première place. Car ce que tu donnes par ta main n'est jamais volé à l'autre face. Volé à l'autre face. Ta promesse est plus vaste que nos choix.